Il y a longtemps, très longtemps, vivait en Bretagne le père du père du père du père de mon grand-père. Et dans les autres coins de la terre vivaient aussi les pères de tous les autres grands-pères. C'était il y a longtemps, puisque dans ce temps-là, les arbres parlaient, les animaux aussi, et l'homme les comprenait. C'est comme ça qu'on a su les histoires. Et les histoires ont traversé le temps, le monde et les gens. Si elles sont arrivées jusqu'à nous aujourd'hui, c'est sans doute qu'elles ont quelque chose à nous dire. Écoutez-les de vos deux yeux, regardez-les de vos deux oreilles, il n'y a pas deux chemins qui sont pareils. Bounoum Misère. Dans le pays de chez moi, on ne parle pas pareil. Pour dire un chemin, on dit un chara. Dans le pays de chez moi, on ne mange pas des pommes, on croque des poumes. Avec les poumes, on fait du cidre et on mange des crêpes bien sucrées avec. Et pendant ce temps-là, on se raconte des histoires. Il était une fois, dans le pays de chez moi, un homme si pauvre qu'on l'appelait Bounoum Misère. Il avait une maison pourtant, mais tellement petite et presque rien dedans. Il avait aussi un pré devant, mais si petit, avec juste un pommier en plein milieu. C'était là tout son bien à Bounoum Misère. Un jour, Bounoum Misère chauffait sa soupe, une faillie soupe faite de trois fois rien. Un pillotou, un vagabond, avait frappé chez lui et Bounoum Misère avait partagé son fricot avec lui. À la fin du maigre repas, le pillotou, pour le remercier, lui avait demandé de faire un vœu. Bounoum Misère pouvait demander ce qu'il voulait. Ce qu'il voulait, il l'aurait. C'était le bon Dieu en personne qui était descendu sur la terre. Ça ne se voyait pas sur sa tête qu'il était le bon Dieu. Il avait mis une casquette comme tout le monde. Moi, dit-il au bon Dieu, je voudrais que personne ne puisse descendre de mon pommier sans me le demander. C'est bon, dit le bon Dieu. Top là, si c'est ça que tu veux. Et il se remit en marche le long des charas du pays de chez moi. Le soir même, Bounoum Misère vit en rentrant chez lui un petit gars gesticuler dans son pommier. Il mangeait les plus belles pommes et lançait les autres à ses copains qui faisaient les fous par en dessous. Quand ils ont vu Bounoum Misère, je te dis qu'ils n'y sont pas restés longtemps. Le petit gars lui aussi aurait bien voulu se sauver, mais... Pas moyen. Collé qu'il était bel et ben. T'aimes bien les poumes, lui dit Bounoum Misère. Regarde-les donc. Je vais te laisser le temps. Et il rigolait tout ce qu'il savait. Le petit gars pouvait bien hucher, brailler, pigner. Ça ne changeait rien de rien. Il pouvait bien ragaler des pieds et des mains. Les mains et les pieds ne bougeaient point. Une heure ça a duré. Après, Bounoum Misère l'a relâché. Ce fut là son dernier voleur de pommes. Le temps a passé, les Kwenyao, les gamins, sont devenus des hommes. Des fois, ils venaient dire bonjour à Bounoum Misère et ils se rappelaient cette histoire. Mais un jour, la mort est venue pour chercher Bounoum Misère. Il l'a tout de suite reconnu avec sa faux et son grand manteau. La mort, il lui a dit. Je vais te suivre puisque c'est mon tour. Mais je voudrais croquer une dernière fois une poume de mon poumieux. Bon, dépêche-toi, dit la mort. Je n'ai pas que toi à emmener. C'est que j'ai mal au dos. Vous ne voudriez pas m'attraper la belle bien rouge tout en haut? Et voilà la mort dans le pommier. Elle voulut redescendre, mais... Pas moyen. Collée qu'elle était belle et ben. Plus personne ne mourut dans le monde. Les gens s'en trouvaient-ils plus heureux? Mais non. Dans les maisons, ça faisait bien trop de gens. Et les vieux étaient bien trop vieux. Il y avait encore plus grave. Les anciens ne voulaient plus rien transmettre aux jeunes puisqu'il n'y avait plus de raison. Et les histoires et les chansons restaient coincées. Si bien qu'un jour, le monde est venu chez Bounoum Misère. Le monde l'a supplié de relâcher la mort pour que tout soit comme avant avec des morts et des vivants. D'accord, a dit Bounoum Misère. Il est allé trouver la mort. Elle était devant la maison en train de sécher dans le pommier. Écoute la mort, si tu me donnes du rabiot, je te décolle de mon pommier. Du rabiot ? 30 ans si tu veux, avec tout le travail que j'ai à rattraper. Et c'est comme ça que la mort a repris son drôle de métier et que Bounoum Misère a continué à se promener sur les charas du pays de chez moi. Mais les 30 ans sont vite passés. Ce jour-là, on n'a pas vu Bounoum Misère assis devant sa maison à regarder son pommier. Quand la mort est venue le chercher, il était déjà dans son lit à l'attendre. Pensez bien qu'elle ne lui a pas demandé s'il voulait une pomme de son pommier. Elle l'a enveloppé dans son grand manteau. Le bonhomme, elle l'a emmené. La misère, elle l'a oublié. Yann Mai, pas de panique. Un jour, une dame a eu un garçon. Mais comme elle n'était pas bien riche, elle s'est dit « Faut au moins que je lui donne un joli nom. » Elle a fouillé dans sa tête et elle l'a appelé Yann Mai, pas de panique. Ce qui signifie en français « Jean-Marie, garde toujours ton sang-froid ». Elle est allée trouver sa sœur qui habitait à 5 km de là pour qu'elle soit la marraine de son fiston. Et puis surtout, elle s'est dit « Je ne suis pas bien riche. Il faut que je lui donne du bon sens. Ça, c'est important. » Et Yann Mai, pas de panique, a grandi avec un joli nom, une bonne marraine et du bon sens. Il était assez grand pour aller tout seul chez sa marraine. Ce jour-là, elle avait fait un gâteau, un bon kouign-amann plein de beurre, plein de farine, plein de sucre. Quand t'as mangé ça, t'es calé pour la journée. Il en restait deux parts et sa marraine lui a dit avant de partir. Emporte-les chez toi. Attention, ne les perds pas en route. Tiens-les bien serrés. Yann Mai, pas de panique, a tenu les deux parts de gâteau tout le long du chemin, bien serrés, bien serrés. Quand il est arrivé chez lui, dans ses mains, il n'y avait plus que des miettes, et puis des miettes de miettes. « Mais qu'est-ce que t'as fait du bon sens que je t'ai donné à ta naissance ? Un gâteau, il l'écrase dans ses mains. Tu parles d'un bobia. Il fallait le mettre sur ta tête, sous ta casquette. Oui, maman, j'y avais pas pensé. Mais je le saurai pour le coup d'après. Le coup d'après n'a pas tardé. Yann-Maï, pas de panique, est allé acheter du beurre. On était en plein mois d'août et le beurre a dégouliné sous sa casquette, dans sa chemisette, ses chaussettes et sur ses sandalettes. Quand Yann-Maï, pas de panique, est arrivé chez lui, on aurait dit un gros morceau de lard qui avait des jambes. Mais qu'est-ce que t'as fait du bon sens que je t'ai donné à ta naissance? Du beurre, il le met à fondre sur sa tête. Tu parles d'un bobia. Il suffisait de l'envelopper dans des feuilles de châtaignier. C'est pas ça qui manque chez nous. Et de le tremper dans la rivière 2-3 fois en passant. Oui, maman, j'y avais pas pensé. Mais je le saurai pour le coup d'après. Le coup d'après n'a pas tardé. Yann-Maï, pas de panique, était invité chez sa marraine pour son anniversaire. Elle lui avait préparé un de ses cadeaux, un beau petit chat aux yeux verts. Yann-Maï, pas de panique, l'a enveloppé bien ficelé dans des feuilles de châtaignier et l'a trempé dans la rivière, 10 fois plutôt qu'une. Quand Yann-Maï, pas de panique, est arrivé chez lui, le pauvre chat était à moitié noyé, à moitié étouffé, à moitié asphyxié. Mais qu'est-ce que tu as fait du bon sens que je t'ai donné à ta naissance? Un chat, il le trempe dans la rivière. Tu parles d'un bobia. T'as pas vu que ton chat avait des pattes? Tu l'aurais attaché avec une ficelle, il t'aurait suivi. Oui, maman, j'y avais pas pensé. Mais je le saurai pour le coup d'après. Le coup d'après n'a pas tardé. Yann-Maï, pas de panique, est allé au supermarché car sa mère a gagné à la tombola une série de 5 casseroles rouges. Yann-Maï, pas de panique, a déjà préparé sa ficelle. Il attache les casseroles. Pas n'importe comment. De la plus grande à la plus petite. Digling, digling, digling. 4 kilomètres à pied sur la caillasse. Si les gens du village ne l'ont pas vu, ils l'ont entendu. Quand Yann-Maï, pas de panique, est rentré chez lui, les casseroles étaient toutes cabossées, percées, dépeinturlurées, et sa mère s'est fâchée. « Ça suffit! Va-t'en où tu veux dans le vaste monde! Tu reviendras avec ton bon sens ou jamais !» Elle s'est enfermée dans sa chambre et à travers la cloison, elle a crié à son garçon. « Étire bien la porte d'entrée derrière toi !» Yann-Maï, pas de panique, s'est rendu à la porte. Une grosse porte en chaîne. Pour la tirer derrière moi, il faut encore que je la décroche. Marche aujourd'hui, marche demain. Avec une porte derrière toi, tu ne fais pas beaucoup de chemin. Quand sa mère est sortie de la chambre, quand elle s'est rendue compte qu'il avait emporté la porte, elle a crié, elle a couru, elle a rattrapé Yann-Maï, pas de panique, et lui a dit « Finalement, j'ai réfléchi. Entre du bon sens pour mon garçon et une porte à ma maison, j'ai choisi la deuxième solution. C'est plein de bon sens, non ?» Bounoum Misère, Yann-Maï, pas de panique. Des contes extraits du livre Bounoum Misère et autres contes, écrit par Gigi Bigot et édité chez Syros. nous n'en avons pas encore fini avec la collection Paroles de conteurs. Vous aimez ? Alors rendez-vous mercredi prochain 11h, dimanche 9h15 sur Radio Pays d'Hérault et sur le site rphfm.org à toute heure. À bientôt !